epembe na ngai oyo eza nano kotanga makila ya koyoka liloba na ngai ya suka. Olingaka nga pepepi olelanga responsabilité na yo na kalanga yo moko yingi nazalanga wasa rokine kakanga mwa mertume nazalanga wana regrete ya bakasa okidema si seteka refeye nakoli na yo lisusu kaka Serge Maya Hugo Bolondele liwa topelobikoyo mokoko ponelanga ye motema nanga ezala pompi ya bolingo na ekokanga makate izoli nanga mpo ekauka loba liloba seliyoko mabe oyo salinga nazwi yango na etisakribiso petetre ke ndengo olingaka na linga yo nazangisa te ndambo beatalepika valeur sur omer lobula nakosambala nangi moto eza kotumba ngai na moko napelisaki yango na ise ya pioma yoboya nonga malaka oyo nabondelaka yo kaka motokopi ya supansela oyo ekezu na kuse origina chenedela kweza wolfonga na lingiyo nazobiboye merveilleux congolais bandela kosekisanga parlo moko damo bomongonganywananga miekoma retarde ndoto nanga tadezakanga esi ekomaki illusion etuma nanga ekotikala sekonkete ya mona yo mpokolinga ya kobongwana koyina baninga makosalaka makomo Pele Mongo, petit fils qui somme, Philippe Mandela, Papi Tombala, Ange Congo, José Cassia. Godard Montemona, de qui ça l'homme qu'il fallait? Camionnette Bola, Zenab Kamara. Kina, le prema, mara, le lisa, et moua. Votre nova, y est bon, y'a beaucoup, y'a tout quoi. Non, la fiste, sa personne, non, j'ai canaille. Et la punisse, le prema, pour la ramata, y'a un canal. Lili Mangwana, Odette Kigoma. Qui s'aime le bon amour qui libère le bacaïque. Récolte la tempête de l'île, on a la lumaque. Pole la naïa, corré, côté votre toit, pour moi, la bouillée. Didier Diadandila, au fond, Boutanga, Marie Boteka. Léla, la mimi, va, pour la canne, mais pas le bacaïque. Mon amour, colo, yo, coli, à l'île, de l'île. Alberto Pidika Franck, président Maurice. Kaka, DJ Eric Angouane, Sky Net Club à Bonn. Kaka, Suzanne Brigitte Lacamel, Olivier Mila. Mimi Dispé, Max Pomo Jazz. Sankai Club à Djobou, Norbert Mamba. Ma soeur. Yango bobimaka na libumwa mama na couleur azur d'orange bobisoto nyoka mama tina lande mili kozalaka kaka boye vraiment William Drushney Pilet Apparaît, vous êtes comme la ramboyée. Totimonia, Egitoye, Sera, Kofonja, Diana, Alea, Chanta, Ali, Kwa, Jamari, Kasamaiki, Kovola, Ponza, Kaise, Shadi, Etukavea, Kupa, Akabuya, Sheila, Simon Bongo, Simon Mayeto, Cecil Chibola, Vivira, Paradie, Lisa Kianga Taruko Ido Egla Pari Afrika Ozi Shiko de Panama Mapozo Kelele Sina Mweka Tawa Mweka Son Modo Bobo Tekolo Jose Kongoro La Tipka Meda Diamo Mweka Ana Maiti Chantal Mabeka Jean-Marie Mondele Adolo Makanda Michel Dike Adolo Jazz Ministry, Germain Germando. Gasino Mangala, Ete Madina Mae. Ubulion de la Gabea, Temo Pitere. Yola Kanyeba, Teres de Tere, Isinjoa. Nevi Mose, Ibisho, Nabisho, Kote. Bola de Hundes, Erobans, Abaye, Filo. Wapiangako, Wapianga. Mato Nasiki, Mabu, Solange Mafuta, Verena.